Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 6, colonne 1. Mariage souterrain. Quelques excursionnistes de Pennsylvanie sont allés visiter jeudi dernier les fameuses grottes de Lorrie en Virginie. Au nombre des voyageurs se trouvaient un jeune homme et une jeune fille de Mechanicsburg, M. William Hubert et Mlle Cockling, fiancés depuis quelques semaines et qui ont eu la singulière idée d'aller se marier sous terre à environ un demi-mille de profondeur. Précédés d'un guide sûr et accompagnés de quelques amis, les jeunes gens sont descendus dans les grottes de Lorrie et se sont rendus dans une immense salle, dite salle de bal, remarquable par ses beautés naturelles et le grand nombre de stalactites qui la décorent. Là, à la lueur des torches se reflétant sur les parois étincelantes et les voûtes de la salle, M. Hubert et Mlle Cockling ont prononcé le oui sacramentel en présence du révérend Rigart, qui a béni leur union. C'est, dit-on, la première fois qu'un mariage est célébré dans les entrailles de la terre. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons, Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.